kuomba. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Bwana Mungu wa uwezo yote, le grand Dieu redoutable et fort, c'est toi le Seigneur Jésus. Mungu mkubwa wa kushangaisha na wa nguvu ni wewe Bwana Yesu Kristo. Nous te disons merci. Tuko na kupikia asante. Toi tu connaissais ce jour. We mwenye ulijua isiku. Tu connaissais cet instant. Ulijua iwakati. Tu savais que Seigneur. Ulijua kwamba. Le frère et la sœur et tous nous nous retrouverons ici. Nduku, dada, shibote, takutanikana apa. Tu savais qu'il y en aura qui suivront en ligne. Uliwaka kwamba kubala tafata kupitia mtandao. Tu connais même ceux qui suivront en différé. Na unajua tabale batafata kisha. Comment tu connais toutes choses, Seigneur? Savile we unajua kitu chote. Nous nous sommes limités. Shie tukubatu amipaka. Mais toi tu es éternel. Lakini we uko amilele. Tu connaissais, Seigneur, ce que sera la fin de cette réunion. Uriwaka na mwisho wa ibada. Tu connaissais comment nous nous présenterons, dans quel état nous nous présenterons ce jour. Urijuaka munamna kani tutejionekanisha leo mbele yako. Tu connais toutes choses dans nos vies, dans nos cœurs et dans nos maisons. Unayaki tukiote maisha yetu, mnyumba yetu na mioyo yetu. Tu connais chaque maladie. Unayaki kila magonjwa. Chaque épreuve. Kila pimo. Chaque péché. Kila zambi. Chaque faiblesse. Hata kila uzaifu. Maintenant, Seigneur. Sasa Bwana. Aucun de nous n'a la solution à son problème. Hakuna mmoja hata moyo wetu ule unajibu kwa mambo yake. Aucun de nous ne peut rien pour son frère pour sa sœur. Hakuna mmoja hata moyo wetu ule anaweza kusaidia ndugu yake. Ta présence est vraiment vraiment très nécessaire. Uwepo wako ni mafaa kabisa sana. Viens nous en aide. Ukuye utusaidie. Sauve-nous. Utuokoe. Délivre-nous. Utukomboe. Guéris-nous. Ututunze. Change-nous, Seigneur. Utubadilishe, Bwana. Fais quelque chose, Seigneur. Fanya kitu kimoya, Bwana. Qui marquera totalement l'avenir de tout un chacun. Kile kitonekanisha kabisa kabisa maisha menda mashiku ya kila moja wetu. Nous croyons que Seigneur. Tunaamini ya kwamba. Ce ne sont pas les nombreuses paroles du prédicateur qui peuvent faire quelque chose. Aina bwingi ya mhubiri ya masauti ya mhubiri inayotufanya kitu fulani. Ce ne sont pas les nombreuses écritures que nous aurons lues. Aina maandiko ya mingi tutasoma. Qui peuvent guérir ou qui peuvent changer quelqu'un. Ile inaweza kutunza wala kubadilisha mtu. Mais un seul mot de ta part. Lakini neno moja toka kwako. Un seul signe de ta part. Alama moja toka kwako. Un seul geste de ta part. Tendo tu moja ya kutoka kwako. Peut changer toute notre vie. Inaweza kubadilisha maisha yetu yote. Peut affecter toute notre foi. Inaweza kuambukiza imani yetu yote. Peut changer beaucoup de choses dans le cœur des frères et des sœurs. Hata kubadilisha vitu ya mingi moyo banduku na badada. Seigneur. Bwana. Si une fois encore tu peux nous aider, mara ingine, kama unaweza kutusaidia, nous te serons vraiment reconnaissants. Tutakushukuru sana. Nous te confierons toutes nos vies. Tutakutolea hata maisha yetu yote. Nous serons davantage plus chrétiens qu'avant. Tutakuwa tena zaidi ba Kristo kushindia hata nyuma. Tu connais tout ce que nous pouvons chercher à dire. Unaya yote tunaweza kutafuta kusema. Nous manquons même de mots. Tunashinda hata misemo. Et nous nous abandonnons seulement na, à toi. Assiste même ceux qui suivent en ligne. Souviens-toi de tous nos frères et nos sœurs qui ont effectué les déplacements de Lubumbashi. Garde chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous invite à vous lever. Je vous invite à vous lever. 1 roi chapitre 17. Wafalme wa kwanza sura yake ya 17. Un roi chapitre 17. Wafalme wa kwanza sura ya 17 verset 1. Mstari wa kwanza. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galad, dit à Akab, l'Éternel est vivant. Elia Tishbite, mkaji moya Galatia, akamwambia mfalme. Wamilele ekuai. Jéhovah est différent de tous ceux qui se nomment Dieu. Wamilele ni mwenye kuachana na bale bote ni jiita miungu. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Aliumba mbingu na dunia. C'est lui qui guérit toutes les maladies. C'est lui qui a la solution à chaque difficulté, à chaque problème. C'est lui seul qui peut trouver une solution à ton problème. Lui seul peut te rendre fort dans la foi. Lui seul peut décanter la difficulté dans laquelle la sœur ou le frère se trouve. Lui seul peut bénir ta maison. Lui seul peut te donner un mariage. Lui seul peut donner des enfants. Lui seul peut guérir même des maladies incurables. Lui seul peut donner du travail. Lui seul connaît ta difficulté, connaît ta peine. Lui seul a une solution. Aucun homme n'a pu faire quelque chose. Aucun prédicateur, aucun pasteur, lui seul est celui qui sauve. Amen. Amen. Il est celui qui fait vivre et qui peut fait mourir. Il est celui qui élève et qui abaisse. Il est celui qui enrichit et qui appauvrit. Comme celui seul qui peut tout. Demandons-lui du secours. Amen. Que le Seigneur bénisse la portion de l'Écriture. Nous poursuivons avec notre petit sujet. Soyez certains de Dieu. Je donne, pour illustrer ça, je donne un petit exemple. Regardez dans nos mariages, dans nos ménages. Tu peux avoir fait très longtemps, tu es en voyage. Unaweza kusafiri kadiri ya muda mrefu. Bana kwa kuambia bibi yako. Et on vient informer ta femme. Que bwanako ton mari anaisha kutomboka. Il s'est déjà rebellé. Kuleko anaisha kutomboka. Là où il est parti, il s'est déjà engagé. Angara mwanamke ula namuyua très bien bwanake. Regardez la femme qui connaît bien son mari. Atasema, elle dira Museme bintu bingine me apana François wangu. Parler d'autre chose, non apana plus mon François, Jacques. Pas mon Jacques. Si te michika kata shikumoya. Je ne peux jamais vous accepter. Ata munendi leta ma photo, même si vous m'amenez des preuves en photo, je n'accepterai pourquoi pas. Elle est sûre de soi. Parce que ekona wakika ya bwana yake. L'inverse aussi. Kipindu pindu. Even si bote tuko, les mariés comprennent ça très bien. Parle beko mundoa beko nelewa mzuri. Les mariés comprennent ça très bien. Attends, même si il peut aller en Belgique, en Europe pendant 5 ans. On a mubumba shikumwa monesha sema. Vous croisez un jour en Europe, vous lui disiez. Mais bibi yako, ta femme, minuna shakutomboka. Je pense qu'elle s'est engagée avec un autre. Ule muntu anaye bien bibi yake. La personne qui connaît bien sa femme. Atasema c'est vrai, on enyambia mambo. Ya kweli tu viens de m'informer. Mais à qui je connais bien ma femme. Même si elle a des difficultés, je connais bien ma femme. Elle s'est rebellée. Non. Pourquoi? Juanine. Il est sûr de sa femme. Eko na wakika ya mke wake. Ça, il est sûr. Regardez même les enfants. Les enfants qui connaissent très bien son père, leur père, leur maman, quand vous venez leur informer quelque chose, j'étais avec votre papa, il a dit ça, bengine banaezi kuichika les autres qui peut accepter mais moi yanaezi sema mais a un qui peut dire vile mina muyoka papa bon à ce que je connais mon père aina yanaezi kusema ce n'est pas lui qui peut dire vile mina muya mama la façon dont je connais ma maman c'est pas elle. Pourquoi Juanin, ils sont sûrs de leurs parents. Les parents aussi bazazi nabo, qui connaissent bien leurs enfants. La famille batoto yabo mzuri, tu vois, taona, il est le produit de ton engendrement. Ya ilo rizala, tu l'as élevé. Unia, komesha, tu connais l'esprit unajua, des enfants. Ali aro ya batoto, tu regardes tel celui-là. Je vois un peu son esprit. Yake, l'autre, je vois son esprit. Yake, la fille ici, je vois son esprit. Yake, et que un jour, chikumoya, on vient te dire, tu vois ta fille là, tu vois ton fils là, on a vu ça, on a vu ça. Ou ton amuseuse, un parent, il va s'étonner, dit, c'est vrai qu'on m'a informé, mais dans mon cœur, je ne suis pas sûr. Nini? Pourquoi? Si c'est l'autre, mais c'est elle qu'on vient de citer. Non. Il faut ni bien na macho. Na fazari que je puisse John voir Kechik. Mes yeux et là j'accepterai. Qu'est-ce qui fait parler comme ça? Comment monte à ces mévilles? La certitude. Mais il est ouakika que je connais bien mes enfants. Ya kwamba mina jua mzuri batoto yangu. J'espère que je vile. C'est espace, c'est comme ça. Ce n'est pas compliqué. Aina nguvu. Donc ce sujet là. China. C'est tout ça. Njo il est. C'est tout ce que nous, nous cherchons que chacun de nous qui a cru au Seigneur Jésus, compte tenu des problèmes, Fatana na mamambo, inaweza kukawa situation. Ça peut faire longtemps. Mungu yumiriamini. Le Dieu en qui je crois. Sauti ya mwisho pa il n'a pas encore prononcé le dernier mot. Amen. Amen. Mungu yumiriamini. Le Dieu que moi je crois. À moins que ni kufwe. Ah, que je puisse peut-être mourir. Mouvile mina mfamia. La façon dont je connais mon apa, Dieu ici. Apana mambo. Il y a rien. Ikuna traîné. Ça traîne encore. C'est parce que ni ujou, ni kusur, je suis nikuna wakika. Ashia jokupe imam. Qui ne s'est pas encore occupé de ses problèmes. Amen. Ashiangaikia. Amen. C'est comme ça que nous devons parler. Jovile tu n'as pas cha kusema. Parce que mina yo kusema. Sababu je connais. Mungu uyu miriamini. Le Dieu en qui je crois. Siku atake ukaka na jokupe ya idosie. Le jour où il va se tourner et s'occuper na imambo. Mambo ita changer. Ça va changer. Tabadilika. Mambo ita changer. La chose changera. Il y a une femme dans la Bible. Kuko mwanamke mwa Biblia. Vous connaissez bien cette histoire. Najua mzuri iadisi. Elle saignait beaucoup. 12 ans durant. Et d'après l'écriture, elle a dépensé tout, tout son argent. Elle a vendu tous ses biens. Alors un jour, elle apprend que Jésus est de passage dans la cité où elle vivait. J'aime souvent, elle a fait une petite bonne déclaration. Ça doit être dans Matthieu 9. Ceux qui viennent souvent vendredi, j'ai déjà mentionné ça. Matthieu chapitre 9. Matthieu 10. Est-ce que c'est là-bas ou bien? Eti, je parle. Attendez. Nous subirons donc. Cette histoire est dans quel chapitre? Ce n'est pas Matthieu 15. C'est Matthieu 9, hein? 21. Ok. Très bien. Oh, c'est là-bas. Matthieu 9. Matthieu. C'est ça. Verset 20. Moussaïa en Koumimbi. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. S'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Maintenant, suivez le verset 21. Car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Pourquoi? Elle était sûre que cet homme, c'est Dieu. Et même les habits qu'il porte ont une certaine vertu. Elle était sûre que cet homme, c'est Dieu. Et que quiconque touche Dieu, peu importe la gravité de son problème, peu importe la gravité de sa maladie, peu importe la gravité du péché, peu importe les faiblesses dans lesquelles tu es tombé, mais si seulement tu peux arriver là où Dieu se trouve et que tu touches Dieu, tout changera. Elle était sûre. Elle était sûre. Même cet après-midi, frère, tel que nous sommes rassemblés, le Seigneur Jésus, en qui nous avons cru, connaît chacun de nous lui-même. Connaît l'état de chaque cœur. Chaque difficulté, chaque préoccupation, chaque désir de chaque frère et de chaque sœur, il connaît ça. Dans le cœur de vrais croyants, il y a des paroles. Dans le cœur de chaque sœur, de chaque frère, il y a quelque chose qu'il se dit ou qu'elle se dit. Quand si Dieu pouvait faire ça, si Dieu m'aidait à faire ça, si Dieu m'écoutait. Amen. Amen. C'est comme ça qu'elle se disait aussi. Si Dieu, je peux toucher seulement la bille de Dieu, mon sens va s'arrêter. Ça faisait de combien? 12 ans. Pourquoi Kadir Miaka Kuminambiri? Maintenant, regardez, frère. Tout dépend maintenant de ce que toi tu crois dans ton na fatana na bile wo unaamini ndani ya moyo wako que Dieu peut faire. Mungu anaweza kufanya. Tout dépend de ce que toi tu crois. Inafatana vile wo unaamini que une situation ni kunayo kama situation où je me trouve ni pas comme Mungu c'est ma Dieu. Mais maintenant Mungu va faire nini? Que Dieu fasse quoi? Akutoshe soit mon Zambie, te faire quitter du péché. Akutoshe mon magonjo, te faire sortir dans la maladie. Akutoshe mubuzaifu, te retirer dans des faiblesses. Akutoshe mumagumu muna napatikana dans des difficultés ou si tu fais tout. Inafazari seulement Dieu. Et même moi-même, atami mujewe, y compris na mimi mwendani, nous devons tous regarder à Christ. Na pasa shiboti kuangalia kwa Kristo et dire na kusema si seulement lui kama tu ye peut s'intéresser à mon cas, anawezi kuangalia kwa mambo yangu, bintu bita changer. Les choses changeront. Bintu bita changer. Les choses vont changer. Dans le cœur des élus, ndani ya moyo bateule, des véritables bateule croyants, il y a toujours quelque chose. Hein? J'aimerais que ça soit ainsi chaque jour. Pour toi. Lorsque vous venez à l'église, tu dois te dire, quand je pars à l'église aujourd'hui, si Dieu s'est souvenu de moi, kama Mungu anaweza kukumbuka kwa nyumba yangu. C'est souvenir de ma maison. Kama Mungu anaweza kukumbuka kwa situation yangu. De ma situation. Bintu bita change. Les choses changeront. Et Dieu qui sait voir. Na Mungu mwenyewe anaweza kuona. Un jour. Chikumoya. Se tiendra là. Atashimama pale. Pour toi. Juu yako. Et ma prière. Na ombi langu. Et que même ce jour Ataileo, soit un jour shiku, tout à fait particulier peke, pour nous tous. Kwa shibote. Je dis ceci. Nasema hivi, ma prière omilangu, est que ce jour, ishiku, cet après-midi, mangaribi, que ce soit un après-midi mangaribi, où même les pécheurs, même les ivrons, même les adultères, même les impudiques, quiconque est venu, uyoyote, ulalikuya, sachant qu'il croit de tout son cœur que Jésus-Christ est Dieu ya kwamba Yesu et qu'il est venu vers Jésus kwa Yesu Christ, pour solliciter ya kuitaji, un secours. Musada, que cet après-midi mangaribi, soit un après-midi ya upeke, particulier mangaribi ya upeke, qu'il fasse quelque chose. Kitu fulani, si tous kama nous sommes unis pamoya, dans un seul esprit, aromoya, une même pensée, moya, un seul désir, moya, Jésus de la Bible Yesu Christo wa Biblia, sera touché. Ataguswa, tuamgusa, je n'ai pas de terme. Même moi, ata mimunyewe, je prie nous naomba, que Dieu est ici. Mungu. Quand on regarde autrefois ce qu'il était, un moment on se doit se dire, ces choses et ibitu ont été écrites seulement biandikiwa tu, pour qu'on les lise, kubisoma, qu'on soit content, tuanze kufurahiwa nabio, et que, dans l'entretemps, kwa kongoja wakati, dans l'entretemps, Mkongolea, nos situations mambo yetu, restent ainsi. Iko na wakia paka vile. Non. Apana. Non. Apana. Non. Apana. À quoi servirait tous ces témoignages bibliques? Itasaidia kunini maushuda yote mbiblia? Si Jésus aujourd'hui, kama Yesu Kristu leo, ne vient rien faire pour toi et pour moi. Ashukue kufanya kitu hata kimoja juu yako juu yangu. Ce sera un slogan. Itakuwa ni msemo tu oye oye. Sera une religion. Itakuwa tu ni dini. Et de l'émotion. Na kuchamuka. Maintenant. Sasa. Cet après-midi. Imangaribi. Qu'est-ce que toi tu t'es dit dans ton wey, muru yako unasema kwa nini? Elle se disait. Yeye aranza kusema. Si seulement je peux toucher son vêtement. Kama kugusa kutuvazi yake. Je serai guéri. Mitapokea matunda. Mais cet après-midi. Sasa imangaribi. Toi tu t'es dit quoi dans ton cœur? Unasema kwa nini ndani ya moyo wako? Tu t'es dit quoi? Unasema nini? Qu'est-ce que moi-même ici? Mimi mwenyewe hapa. Je me dis dans mon cœur. Unasema nini ndani ya moyo wangu? Vis-à-vis de Jésus. Mbele ya Yesu Kristo. Comme nous sommes venus. Qu'est-ce que vous vous dites Mungu dans mon frère? Qu'est-ce que vous vous dites Mungu mon frère? Qu'est-ce que je me disais? Na mini en venant. Konini, mukuya apa, nianza kusema nini? Que si seulement. Kama tu, tu dois ajouter toi-même. Qu'est-ce que tu te disais? Nini? Maintenant. Sasa, Jésus. Yesu, est au milieu de nous. Eko katikati yetu. Comment ces temps-là? Samu ile wakati. Tu te diras, est-ce que Jésus-Christ est ici réellement? Pas parce que José le dit. Il n'a pas vu Yeshua. José n'a pas vu lui-même le dit. Que là où deux ou trois sont rassemblés, ici à Kambov présentement, à cet instant, wakati, il y a des rassemblements. Ils peuvent prendre cette même écriture-là. Chaque rassemblement cet après-midi ici à Kambo peut prendre cette écriture-là. C'est-à-dire, Jésus est dans tous ces rassemblements. Qu'est-ce qui fait la différence de tous ces rassemblements avec nous? Vous m'entendez souvent et dire ceci. Kiaka na semaka kila mara. Ivi, mina semaka ivi. J'ai toujours dit ceci. Que même Léo, ata aujourd'hui, mimi kama banenyambese Yesu kumukambo. Si on peut me dire aujourd'hui Jésus-Christ à Kambo. Je chercherai à savoir là où il va. Mita tafuta ou le ata abudu. Et pour être sincère, j'irai là où Jésus s'était. Si on me dit que cet après-midi, Jésus est avec les gens de Kimbangu, j'irai sans honte là où les gens de Kimbangu s'assemblent. Si on me dit qu'il est dans un petit groupe au-delà de l'avenue Chikapa, j'irai là-bas sans honte. Pourquoi? Il est celui qui a réponse à tous nos problèmes, à toutes nos difficultés. J'irai là-bas. Mais présentement, avec toute la conviction de mon cœur, j'ai toujours dit Jésus-Christ ne peut pas être partout ici à Kambo. Jésus-Christ doit être à un endroit. Et l'endroit, c'est où? Ce n'est pas ici où je crois. Mais comme il est ici, qu'est-ce que tu t'es dit dans ton cœur? Jésus est ici. Ça veut dire Jésus quoi pas? Qu'est-ce que tu t'es dit? On a sema konin. Regardez le cas de cette femme-là. Mwangarieni ali auda. Jésus était là-bas. Yesu Kristo alikuwa pale. Pendant que Jésus était là-bas. Wakati Yesu Kristo alikuwa pale. Un chef juif apparaît. Mkubwa moyo ba Yuda. Ma fille. Anasema binti wangu. Vient de mourir. Anakufa. Allons. Twende. Que tu lui imposes les mains. Na umweke mikono. Et qu'elle vive. Na apate kuishi. Yesu a dit ça va twende. Yesu Kristo a dit allons-y. C'est alors que le mwanamuka anasema. Ndio mwile wakati la dame s'est dit. Ule tuanze kwenda mbele tufike kwa ule chefu. Pare que nous puissions arriver d'abord là-bas. Baombe mtoto wake la rikufa. On puisse prier pour son enfant qui était décédé. Ye mwile moma ule mwanamuka anasema. Eh, en ce moment là il s'est dit non. Kama mbele seulement que toucher ku nguo yake. Situation yangu itachange. Situation changera, mambo yangu tabadilika. Dieu le mingu nasema. C'est ce que je suis en train de dire. Si bote vitu kwa pa. Nous tous tels que nous sommes. Kila mmoja eko na bila anapashi kusema muroya. Il y a quelque chose en train de dire de kama Yesu anapashi kuanzia huko. Si tu peux commencer à la chorale. Wewe kule utachunga paka Yesu anzio kuwe. Atafikaka shuka ni kule. Commencer à la chorale quand est-ce que là où tu es? Pale wiko. Tu te dis. Huko nasema nini? Au sujet de Jésus. Kwa ajili ya Yesu Kristo. Es-tu kuna hakika que là où tu es, kule wiko kumwisho, Jésus, Yesu Christ, tu peux le toucher et que ta situation peut être décantée, itapata jibu. Qu'est-ce que tu t'es dit? Nasema konini. Qu'est-ce que tu t'es dit? Unasema konini. Qu'est-ce que je me dis moi? Na mimi mwenyewe niko nasema konini. En dehors de la prédication. Nje ya mahubiri. Qu'est-ce que je peux me dire? Que Jésus nini peut faire Yesu Christ cet après-midi? Anaweza kufanya nini mangaribi? Amen. Amen. Qu'est-ce que tu t'es dit? Unasema konini? C'est ce que tu t'es dit là. Ni ile kunasema. Que Jésus ya kwamba Yesu Kristo sera Dieu il atafanya juu yako. Amen. Amen. Jésus ne fera Yesu que Kristo atafanya ni paka tu. C'est que toi tu crois. Ile wewe unaamini. C'est que toi tu t'es dit. Ile wewe kunasema. Qu'il soit capable de faire. Kama eko na uwezo kufanya. Cet après-midi. Juu yako imangaribi. C'est-à-dire. Ni kusema. Chacun de nous. Kila moja wetu. S'il tient ce qu'il s'est dit. Anabamba kubile Jésus kunasema. Yesu Kristo accordera au frère et à la sœur selon ce que tu t'es dit. Je crois que c'est correct. Hein? Cette femme se disait, si je peux toucher seulement à son habit, je serai guéri. Et cela lui a été accordé selon ses déclarations à elle. Mais quelles sont tes déclarations à toi? Tu es entré avec les péchés. Tu es encore faible. Tu es ce que tu t'es dit. Dieu a été à cause de ton état. Acceptes-tu de rentrer encore tel que tu es entré? Dans l'entretemps, Jésus est avec nous. Ça n'a pas besoin qu'on voie un signe pour croire. Les nations, nous croyons sans rien voir. Nous croyons selon ce que dit l'Écriture. Jésus est au milieu de nous. Qu'est-ce que tu t'es dit toi-même que Jésus peut faire pour toi? Et Jésus dira na Yesu atasema qu'il te soit fait ikufanikiwe selon kufuatana ce que tu t'es dit. Ile wewe kunasema. Maintenant, qu'est-ce que tu t'es dit? Sasa, unasema kunini? Nous devons nous dire nous-mêmes des choses dans nos cœurs. Kujambia shibenye bitu pour que Jésus dise kwa sababu Yesu Kristo qu'il te soit fait ikufanikie selon ce que toi tu t'es dit. Tout à toi, Caléo. C'est comme ça que nous allons quitter aujourd'hui. À chacun, kakila moja, ses déclarations. Fuatana, nabile kunasema. Vous êtes là? Et tu te pamoya? Tu risemele kobin tu le aussi benye maro. Que nous puissions nous dire quelque chose dans nos cœurs. Nabile bintu. Et ces choses-là. Bitende ke paka vile ni kune risemele muro yangu. Que ça puisse opérer tel que je le dis dans mon cœur à Jésus. Bale bote fulani. Sont partis en train de dire quelque chose. Bitende ke paka vile ba risemea. Quel qu'ils ont demandé. Il y a eu un homme. Il pose la question. Ce bruit, c'est quoi? Bana mwambia c'est Jésus de Nazareth. Yesu Kristo qui est en train de passer. Et qu'on a pita. Anasema mama, mama, mama. Et il a dit, mama, je suis sûr niko na akika, que Bartimée dans son cœur, Bartimée, en criant, mukulalamika kwake, Jésus, fils Yesu de David, Christu, mwana wa Daudi. Aie pitié de moi. Il y avait quelque chose que Bartimée se disait. On est d'accord. Hein? Il y a quelque chose que Bartimée, lorsqu'il avait appris que l'homme, le monsieur qui passait avec le bruit, c'était Jésus-Christ. C'est le prophète de Nazareth. Il y a des choses que Bartimée s'était dit dans son cœur. Maintenant, il a commencé à crier. Il a crié. Et Jésus-Christ s'est arrêté. Et il a dit, amenez-lui. Et il, qu'est-ce qu'il avait posé comme question à Bartimée? Que veux-tu que je fasse de toi pour toi? Comme Bartimée avait quelque chose Bartimée se disait, qu'il disait lui-même dans son cœur. Macho nione. Que je puisse voir de mes yeux. Aritatonaka. Est-ce que Arishita Arsaka, il avait ce qu'il disait dans son cœur. Qu'est-ce que tu t'es dit ce soir dans ton cœur? Et c'est ce que Jésus va te donner. Nakintu. Moi je n'ai rien. Et moi aussi tafuta. Je sais que je me désire. Que Jésus-Christ puisse me poser la question que je cherche quoi, que je puisse lui dire et que je puisse trouver une solution. Qu'est-ce que tu es en train de te dire? Soyez certain que où Jésus na wakika kwamba Yesu Kristu ni katikati yetu. Soyez certain. Où est na wakika? Bakalamushi batapatia mukuru. Ah, les malins, ils vont tirer profit. Ceux qui sont bakulengama, ils vont rentrer tels qu'ils sont venus. Amen. Amen. La Bible dit. Biblia asema. Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu. En français facile on dira. Français et tout. Il faut que ceux qui viennent à l'église croient que ce que je me dis, si Jésus me posait la question, que veux-tu que je fasse pour toi, je lui dirai, Seigneur, que je sois guéri. Hébreux 11, verset 6. Maintenant, toi en venant, qu'est-ce que tu te disais? Que Jésus peut faire pour toi. Léo, aujourd'hui, Mukuya, urianza kusema en venant à l'église, Yesu afanye konini juu yako. Que Jésus-Christ puisse faire quoi na pour toi? Et Jésus-Christ, il n'a pas changé. Ashibadirike. Ce qu'il a fait autrefois, c'est ce qu'il fait aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a fait autrefois? Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi? Bartimée avait quelque chose qu'il disait. C'est pourquoi la réponse était tic-tac. Je vais voir. Je suis aveugle. Et Jésus-Christ avait donné solution. Soyons tous sûr na que Jésus est le même. Soyons sûrs que Jésus est avec nous ici. Si apa. Et comme Jésus est avec nous, tu sais que maintenant, ceux qui sont de Dieu, vous ne pouvez pas quitter tel que vous êtes venus. Il y a eu un jour, Jésus ayant prêché, il a prêché, c'était tellement une longue prédication. Et à un moment donné, ils se sont rendus compte qu'il était déjà 19h. Les gens, depuis le matin, ils sont venus voir qui? Écouter Jésus-Christ. Et Jésus aussi, il était rempli d'onction, il était en train de prêcher. Les gens, ils ont même oublié que nous n'avons pas encore mangé. Et Jésus-Christ lui-même l'a constaté. Il a dit aux disciples, mais ces gens ici, ils sont venus voir Dieu. Mais la prédication a mis longtemps. Ils sont là tous affamés. Ils sont venus auprès de Dieu. Et Dieu ne peut jamais faire retourner les gens tels qu'ils sont venus. Est-ce qu'il y a après-midi, tu crois quoi, Mungu? Sommes-nous venus auprès de Dieu? Et Jésus-Christ peut faire retourner les gens tels qu'ils sont venus. Les mêmes hier, et comme moi, Diane, aujourd'hui, Léo, Natamilele. Nous voici auprès de Dieu, nous sommes venus à lui. Et Dieu, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit quoi aujourd'hui? Que chacun de nous, si il vient auprès de Dieu, il trouve que ce qu'il désirait. Et Jésus dit aux disciples, comme ils sont venus à Dieu, pour que Dieu ne puisse pas être couvert de honte, Dieu doit leur donner quand même à manger. Et ils avaient demandé à manger? Non. Et ils sont venus juste écouter la prédication. Non seulement maubiri, pas seulement la prédication. Et ils avaient aussi d'autres problèmes. Mais la prédication a mis pris longtemps. Et Jésus-Christ a regardé Mouyouakati. Leur préoccupation, c'est d'abord la nourriture. Et il a dit aux disciples, faites-le asseoir. Chaque chose a son temps. Qu'il a quitté qu'il n'a quitté. La prédication est terminée. Il y a eu la prédication, Maubi Naïcha. Maintenant, ça, ça a pas. Ni solution, comme maman, à l'air problème. Qu'il a moumoja à court. Que chacun d'eux puisse manger. Maintenant, voilà ça quoi, Mungu. Et ils sont déjà venus auprès de Dieu. Maintenant, quoi, Mungu. Ça, ça, auprès de Dieu. Mwangariye que mukesa à Mungu. Dans la caisse de Dieu. Zéro. Mais yeni Mungu. Comme il est Dieu. Mukesi muku zero. Akiba, il n'y avait rien. Mungu unafanka jevi mukesi muku zero. Tu as toujours fait comme il y a zéro, il y a rien. Et les pierres ont dit, nous sommes des humains. Mukesi amuna kini. Dans notre caisse, il n'y a rien. Fuatana na mapu ya bantu. Il n'y a pas de solution. Selon bantu. Fuatana avec les autres. Le prédicateur ne peut pas guérir. Mubira chaise kokola bantu. Le prédicateur ne peut pas sauver. Mubira chaise kokatami na sema Mungu amibariki. J'ai dit que Dieu bénisse. Mubira chaise kukubariki. Le prédicateur ne peut pas vous bénir. Ula ne kalaka na il y a la solution à tout problème, c'est Dieu. Et Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ils sont revenus à Dieu. Nous n'avons rien. Seulement, Paka, nous avons vu quelque chose. Il y a deux poissons, il y a un petit avec deux poissons, avec trois pains. Il avait pris ça pour lui. Maintenant, selon qu'on a quoi bumuntu. Fatana, humainement parlant. Sama kimbiri na mikate tatu. Deux poissons et trois pains. Tu peux bater tout quoi? Que nous puissions prendre tel que nous sommes. Trois pistolets. Trois pains. Na deux. Et deux poissons. Comment nous allons nous partager? Même si on dit que les autres puissent prendre les épines, comment est-ce que les arrêtent? Comment est-ce que nous allons partager? C'est impossible, non? Inashinda kanaka. Mais ça. Inashinda kana, mais non. Toi, tu es Dieu. Deux poissons. Trois pains. Selon Dieu. Qu'est-ce que Dieu peut faire? Qu'est-ce que Dieu peut faire? Ici, présentement. Ici, présentement. ici, dans cette salle. Qu'est-ce que Dieu peut faire dans une situation où deux poissons, trois pains, qu'est-ce que Dieu peut faire ici? Si là-bas il y a eu solution, et que nous aussi, nous sommes venus vers Dieu, je vais demander maintenant. Où sont les deux poissons? Où sont les trois pains? Il y en a ici deux poissons et trois pains. Je vais poser la question. Est-ce qu'il y a une sœur qui avait une maladie très difficile sans toutefois aller auprès de médecin et Dieu l'a guéri et peut lever sa main? Nous avons beaucoup de poissons. Est-ce qu'il y a un frère ici? C'est lui qui avait trouvé l'emploi, qui a gagné même de l'argent. Et lui-même s'est dit, ça c'est Dieu. Ils sont là. Il y a beaucoup de pain ici. Il y a beaucoup de pain, il y a des poissons. C'est-à-dire chacun de vous a un petit témoignage qu'il a amené de ce que Dieu a déjà fait dans sa vie. Amen. Maintenant, Dieu, il y a quand même quelques témoignages. Et d'autres n'ont jamais rien vu. Ils n'ont rien. Mais néanmoins, il y a quelques frères, quelques sœurs à qui Dieu a déjà fait quelque chose. Maintenant, Dieu, sur base de ces quelques témoignages, je dis défendre pour ceux qui n'ont jamais expérimenté. Que les élus comprennent maintenant. Que Dieu fasse quelque chose. Moi, j'ai dit ceci. Même s'il y a deux sœurs seulement. Et qu'il y a trois frères. Que nous puissions poser la question à Dieu. C'est ce que nous t'amenons. Tu avais guéri telle sœur. Tu avais guéri telle autre sœur. Tu avais fait telle chose au frère. Telle chose au frère. Telle chose au frère. Deux ici, trois là-bas. Maintenant, ce sont les cinq cas que nous avons ce soir. Comme deux pains et, comme trois pains et deux poissons. Amenons ces cinq cas devant Jésus. D'après le témoignage de ces deux sœurs et ce témoignage de ces trois frères, d'après leur témoignage, c'est toi Jésus qui avait fait ça. Je retourne dans l'histoire. Ce jour-là, on pouvait poser la question au petit garçon là. Comment est-ce que tu es venu avec deux pains et trois pains? Bon. Ah, bon. Mon cœur me disait, là où vous allez, ça peut prendre longtemps. Maintenant, alors, tu peux prendre même trois pains et deux thomsons. Qui t'avait dit ça? Qui parle dans le cœur de cette façon? N'est-ce pas Dieu? N'est-ce pas Dieu? Maintenant, comme c'est Dieu qui avait parlé au jeune homme là, prends néanmoins trois pains et deux poissons. Et c'est vrai que c'est Dieu qui lui a parlé parce que la réunion a pris longtemps. Sur base de ce que Dieu lui a dit, le miracle devait s'opérer sur base de ce que Dieu lui avait dit. Le miracle ce soir doit s'opérer sur base de ces deux cas ici et trois cas ici. Alléluia! Amen. Est-ce que Christ ne croit pas que Dieu fasse quelque chose? Que Dieu fasse quelque chose? Que Dieu fasse quelque chose? Ces témoignages suffisent. D'après le prophète que Dieu nous a envoyé, Je n'ai pas le temps de les lire. Maintenant, après ça, tu vas venir ici botter les membres. Tenons ça. Tenons à cela. D'après le prophète que Dieu nous a convaincu de croire en lui. C'est Dieu qui nous a convaincus. Il y a d'autres, je crois que Dieu ne les a pas confirmés. Moi, c'est Dieu qui m'avait dit que Nukubranam n'est pas un ami. C'est Dieu qui m'avait Frank, dit que Frank, c'est un enseignant pour cet âge. C'est comme ça que j'ai cru. Maintenant, amenez-vous devant Dieu avec ces deux témoignages. Vous êtes-il convaincu? Vous avez deux poissons aussi. Présente ça à Jésus. D'après le prophète. Qu'est-ce qu'il nous dit? Je n'ai pas seulement cru au prophète comme ça. D'après Dieu, il dit ceci. Et ça l'engage maintenant. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète doit faire quoi? Il reçoit la récompense que le prophète amène. Qu'est-ce que le prophète nous a amené? Le prophète a dit ceci. Frère, sœur, si vous apprenez que Jésus a fait ça tel jour, tel part, chez tel sœur, chez tel frère, vous avez, suivez maintenant, vous avez la solution à votre problème sous une forme de semence. Je reprends pour que chacun de nous obtienne la réponse. Si vous apprenez que Dieu a guéri quelque part, je vous donne. À Lubumbashi, il y a une sœur. Elle avait un cancer de sang. On a publié ça. Si vous apprenez que Jésus, pour lequel vous êtes venu, a fait ça quelque part, vous avez aussi votre solution. C'est comme la semence entre vos mains. Maintenant, on fait quoi avec la semence? On doit mettre ça en terre. Est-ce qu'il faut garder que ça puisse germer? Non. C'est lui qui met la semence en terre et qui part se reposer et se dit, ah Dieu merci, tu m'as donné la semence. Et voici, j'ai déjà mis ça en sort. Qu'est-ce que dit l'Écriture? C'est lui qui sème. Où est anapanda mbeko yake? Qu'il veille ou qu'il ne veille pas, akeche, la akeche, semence elle-même se débrouillera pour germer. Mungu wetu nisaidie. Notre Dieu, que tu Mungu nous aide. Dieu soutiens-nous, aide-nous. Mungu atusaidie. Que Dieu nous aide. Bien que ça me ça. Ah, je n'ai pas de mots. Mungu atusaidie. Que Dieu nous aide. Avez-vous appris? Ça, c'est selon le prophète que le Seigneur Jésus a envoyé. Non seulement envoyé, il est venu nous convaincre et nous avons accepté d'être convaincus d'après son prophète. Si vous apprenez que Dieu a fait quelque chose là-bas et là-bas, retenez que vous aussi, dans votre problème, vous avez aussi une solution. Déjà, vous avez déjà une solution. Vous avez déjà la guérison. Vous avez déjà ce que vous disiez dans votre cœur. Dieu vous l'a déjà donné sous une forme de semence. Et la semence, comme c'est une semence éternelle, comme c'est une semence vivante, la chose finira par s'accomplir. Ce n'est pas les semences de la parole de Dieu. C'est une semence incorruptible. C'est une semence qui se défend face aux intempéries. C'est une semence qui se défend face aux maladies. dites incurable. C'est une semence qui se défend face aux afflictions, face aux péchés. C'est une semence qui se défend face aux problèmes difficiles. C'est une semence, quand elle rencontre de l'opposition, elle brise l'opposition et les choses apparaissent. Jésus-Christ est Dieu vivant. Il est El Shaddai. Il est le Dieu très haut. Au-dessus de tous nos problèmes ce soir. Il est le même. Il n'a pas changé. Oui. C'est une semence. Quand il rencontre la stérilité, s'inclut. Quand il rencontre les maladies cardiaques, les maladies s'inclut. C'est une semence incorruptible. C'est-à-dire, peu importe le temps, les circonstances, cette semence n'est pas affectée. Elle reste là. Jusqu'à ce que la chose qui est dite s'accomplisse. Qu'est-ce que vous vous dites pour vous ce soir? C'est là où il y a les problèmes. Qu'est-ce que tu te disais en venant? Ou même pendant la prédication? Ce que tu te disais est déjà une semence. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Dans les temps bibliques, toi-même tu venais, tu confirmais tes paroles comme ça. Ces peuples n'appartiennent pas à Ngoï. Ces peuples, qui les a appelés? Jésus-Christ, qui est une semence incorruptible. C'est-à-dire, elle ne varie pas. Quelles que soient les conditions, cette semence se défend. Qu'est-ce que tu te disais? As-tu appris quelque chose? Même de loin, que Jésus a fait ça. As-tu appris? Si tu as appris, ton problème aussi est dans, sur la liste. Et sur la liste. Ah, mon Dieu, moi je ne guéris pas. Mais c'est une solution. Moi je n'ai pas de solution. Moi aussi j'ai des problèmes. Maintenant, ça, nous sommes devant toi. C'est une chose. Pour accepter que Frère Branham n'est pas un ami, pour accepter que ce message est la vérité, quelque chose m'a convaincu. C'était qui? Lui. Maintenant, comme c'est lui, mais voici dans des problèmes. Pourquoi m'as-tu convaincu? Mais voici dans des problèmes. Seigneur, il est dit, prenez ça pour une dernière écriture. Job. C'est Job ou c'est quoi? Prenez ça, je vais chercher. Oh Seigneur Jésus. Soyez certains qu'il est une semence incorruptible. Oh Seigneur. Viens en aide. Oh. Très bien. Job 22. Job 22. Job 22. Job 22. Job 22. Ce ne sont pas nos paroles à nous. Dieu, selon sa promesse, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Il doit l'accomplir pour ses enfants. Il doit l'accomplir. Job 22. Suivez maintenant. Et saisissez votre occasion. Verset 21. Attache-toi donc à Dieu. Attache-toi. Dans des problèmes où Bamba Yesu, si moi attache-toi à Jésus-Christ et ne nous relâche pas. Yesu. Tiens toujours à Jésus-Christ. Attache-toi donc à Dieu. Kwa Mungu. Attaché veut dire quoi? Nikusema nini kwa mbatane naye? Nduku. Tenir. Kukamgala. Sans lâcher. Bila kuachilia. Pour avoir quoi? Nijua kupata nini? La paix. Nduku salama. Mungu wangu. Ah mon Dieu. Avez-vous besoin de la paix? Oui. Maintenant, sasa, la paix vient comment? Salama inakuyaka je. Attachez-vous. Mwambatane naye. Il est la parole. Ekoneno. Bamba. Tenez fort. Pake bunasikia leo. Que tu viens d'écouter Bamba. Ce soir. Tenez à ça. C'est ma Seigneur. Christ, buana. J'ai besoin de la Mina paix. Jaji salama. Quand tu m'auras guéri, je serai en paix. Je suis troublé parce que je ne suis pas guéri. Je suis troublé parce que je n'ai pas le mariage. Quand tu me donneras le mariage, j'aurai la paix qui vient de toi. Parce que tu es celui qui donne ça. Avançons. Quand tu t'attaches à lui, qu'est-ce qui s'ensuit? Tu jouiras du bonheur. Ce sont les paroles de José. Non. Apana. Tu jouiras du bonheur. Continuons. Frère Tubambeni. Tenons à ça. Attachons-nous. Tubambeni. Attachons-nous. Accrochons-nous. Ne lâchez pas. Nous ne devons pas lâcher. Reçois de sa bouche l'instruction. Est-ce que ce soir nous a-t-il instruit? Oui, il nous a instruit. Selon, en disant quoi? Chacun reçoit selon ce qu'il se disait dans son cœur. C'est ce qu'il nous a instruit. Non seulement cela, il nous a dit aussi que sur base de tout, de toi témoin, nous avons déjà la chose pour laquelle nous cherchons aussi une solution. C'est d'après son instruction. Continuons. Et mets dans ton cœur. Avez-vous des cœurs? Voilà ce qu'il faut mettre dans des cœurs. Donc vos soucis, sortez-les de cœur. Qu'est-ce qu'il faut mettre dans les cœurs? Ce que lui a donné comme instruction. Donc c'est une semence. Il faut la semer. Où faut-il la semer? Dans vos cœurs. Vous avez votre solution. Semez seulement cette semence dans votre cœur. Elle va germer. Continuons. Pas seulement mettre ça dans le cœur. Tu seras rétabli. Va te placer à droite. Il est le seul Dieu qui exerce la bonté, qui fait des bonnes choses à ses enfants. Mais tu les as manqués. Il dit, attache-toi à moi. Je vais te rétablir dans des choses que tu veux, comme moi je l'ai tracé pour toi. Dieu a-t-il programmé des maladies pour Mungu, nous? Non. Nous avons besoin d'un rétablissement. Tu même dans la foi, je vais être rétabli. Ni quoi mon Christ soit bien quoi qu'il fasse ça. À quelles conditions? Attachez-vous. Attachez-vous. Continuons la lecture. Tu seras rétabli. Quand? Wakati kani, si tu reviens. Kama unamurudiria. Au Tout-Puissant. Unamurudiria wa mwezo yote. Si tu reviens. Kama unarudia. À la parole. Uneno. À ce que lui a donné comme instruction. Donc il faut quoi chabim tu biote. Nous devons abandonner tout chose. Et nous attacher seulement à ce qu'il a dit. Luria pa kubila na sema. Mais viens seulement à ce qu'il a dit. Pourquoi? Pour être rétabli. Pour avoir la paix. Pour jouir du bonheur. Continuons. Tuendele. Si tu éloignes. Kama unendesha mbari na fukuza. Weka mbari maovu. Si tu éloignes tes iniquités. Maisha désordre. Invisal. Kuiba. voler, kusharatika, commettre l'adultère, bongo, le mensonge, jeter sa loi, et prenez des décisions. Celui qui parle, c'est le Tout-Puissant. Il nous dit, faites ça, vous verrez, pas demain, ici présentement. Dites-vous dans votre cœur, Seigneur, cette vie, je viens d'arrêter ça. Prenez une décision de ne plus jamais retourner à cette vie-là. Ici, que Dieu voie. Si Dieu voit la détermination, assurément, vous aurez la guérison en son temps. Vous aurez la solution en son temps. Que Dieu voie ça ici. Pourquoi? Partout là où il était, il voyait ce que les gens se le disaient. Et papa, la solution est arrivée. Prenez une décision. Que faut-il faire? Tout ce qui est comme de, quelque chose de valeur dans ta vie, jette. C'est l'écriture qui suit. Jette l'or dans la poussière. Tout ce que tu trouves qui est de plus précieux dans ta vie, mets ça à côté. Qui doit être Christ nécessaire, que Jésus-Christ soit nécessaire et sa parole. Vous avez la semence avec vous déjà. Jette l'or dans la poussière. Verset 25. Elle est tout puissant. Le Seigneur Jésus. Qu'il soit ton nom. Qu'il soit la chose la plus précieuse pour toi. Que ses paroles puissent prendre la première place dans ta vie. Qu'il soit ton nom, ton argent et ta richesse. Et puis après, tu commenceras à faire du tout puissant tes délices. Mais ces décisions-là, il faut les prendre ici. Dites-vous maintenant, je vais faire ça. Apa mikuna toka. Quand je vais sortir, kunaisha. Ça n'est fini. Il est maïsha ou t'as désordre. Toute vie de dissolution, toute salité, na Yesu. C'est lui ma joie. Et je vais aller à genoux pour le dire. Évoluons. Tu éleveras vers Dieu ta face. Tu le prieras. Que fera-t-il? Il t'exaucera. Il doit exaucer ce soir. Il y a des frères et des sœurs que le Seigneur doit exaucer ce soir. Oui. Dio. Et tu accompliras ce que tu auras pris comme décision. Il t'exauce. Aya kujibia. Mukutoka. En sortant. On n'a pas fait comme décision. Ce que tu as pris comme engagement, comme décision ici. Munashikia. Vous avez compris. Évoluons. Tuendele. À tes résolutions. Kuma mipango yako. Répondra. Atajibu. Les échecs. Est-ce que kushinda apana. Les succès. Kuma endeleo. Sur tes sentiers, yulu wa majia yako, brillera la lumière. Utangala nuru. Mena écoutez. Sasa mshikieni. Écoutez. Sikieni sasa. Est-ce que peko bantu banabaya ma décision? Et il y a les gens qui ont pris la décision. Peko ba frère na ba sœur banabaya ma décision. Et il y a des frères et des sœurs qui ont pris la décision. Sasa mshiki. Écoutez maintenant. Kama una bebe le décision. Si vous prenez la décision. Yesu Christ. Il est en train de regarder nos cœurs. Eko nona ba lebe ko sœur. Il est en train d'observer ceux qui sont dans nos yeux. Écoutez sa promesse. Sasa fuateni malako yake. Écoutez la promesse. Sasa malako. Et toute la promesse de Dieu. Malako yote ya Mungu. C'est oui et amen. Ndio na amina. Quand viendra l'humiliation? Wakati kufezelesha kutafika. Quand viendra des problèmes? Wakati mamambo itakuya. Quand viendra des difficultés? Wakati magumu itakuya. Quand viendra telle chose? Dilevante tout ce que vous savez. Tu prieras. Utaomba. Pour ton relèvement. Tu ya kulamuka kwako. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Mungu atafanya nini? Dieu viendra te secourir. Atakuyaka kukusaidia. Dieu secourt celui dont le regard est abattu. Dieu il vient aider. Il vient à ce mais ils ont pris la décision. Comme ils sont venus avec des problèmes, il est dans l'obligation de venir les aider. Dieu il a ta fagne. Il délivrera même. Son fils qui a pris des décisions ce soir. Même s'il avait fauté, Dieu, Mungu, selon sa promesse, il viendra lui relever. Même s'il commet des fautes, il a menti, il avait insulté, il a fait quoi que ce soit, Anaria, il a pleuré. Mungu, Dieu viendra lui relever pour lui dire que tu as fauté comme un homme. Néanmoins, tu es mon fils, relève-toi. Il délivrera même le coupable qui devra son salut à la pureté de ses mains. C'est qui auront confiance, disant que notre salut, c'est Jésus-Christ. Notre sainteté, c'est Jésus-Christ. Notre chrétienté, c'est Jésus-Christ. Tout pour nous, c'est Jésus-Christ. Je ne pouvais être rien. Dieu a toujours l'air venir en aide. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai prêché selon que le Saint-Esprit m'a donné. Maintenant, comme ça vient du Saint-Esprit, je n'ai même pas peur de le dire. Toute la prédication de ce soir, c'est le Saint-Esprit qui me l'a donné. Comme ça vient de lui, que doit faire le Saint-Esprit lui-même qu'il vienne confirmer. C'est poussé par le Saint-Esprit que les prophètes ont parlé. Et comme c'était poussé par le Saint-Esprit, Dieu lui-même s'est arrangé pour prouver que ça venait de moi. Même moi, au nom du Seigneur Jésus, ça vient du Saint-Esprit. Qu'il vienne pour sonder le cœur et accomplir ce que les gens veulent. Amen. Amen. C'est le Seigneur Jésus. Yesu, soyez certains que c'est lui qui m'a donné ces paroles. Pourquoi? Il a vu ton cœur. Il a vu ton état. Il a dit, dans cette situation, il me faut envoyer d'abord la parole. Quand ils saisiront ça, comme semence, leur problème aura des solutions. Touche ma main. Tenons-nous debout. Touche ma main. Nous allons lever. Touche ma main. Lèvons-nous. Là où tu es, prends la décision. Riri à Yesu, que c'est ma Seigneur. Pleure à Dieu, dis-lui. Unitembele qu'on a mis l'air. Visite-moi aujourd'hui. Fanya quelque chose, Seigneur. Quelque chose, Bwana. Que tu puisses rester comme signe. Ne m'abandonne pas, que tu puisses retourner tel que je suis venu. Tout est possible. Exposer ce cantique-là, tout est possible. Pour que toute l'église chante. Frère, chantons avec nos cœurs. Vous avez des problèmes. Même moi, j'en ai. Vous avez des difficultés. Moi, y compris, j'en ai. Vous avez des épreuves. J'en ai. Tous, tout le monde regarde Jésus. Il a donné cette prédication. Au nom du Seigneur Jésus. Qu'il vienne.